Au sport. Le 4 février, dans la Ligue de hockey sans contact juvénile, Louis Saint-Laurent est à l'aréna Jean Béliveau à Victoriaville pour affronter Tandem Le Boisé à 16h30. Dans le cadre du tournoi provincial à Tompiwi au Saint-François, se déroulant à l'aréna Distinguis, les Blazers de Stansted affrontent les Sharks du Haut-Saint-François à 17h30. Les Requins de Granby se mesurent aux frontaliers de Quaticook à 18h40. Et Hockey Expert 1 de Sherbrooke rencontre Percotec 1 de Disraeli Coleraine à 19h50.